Fait que le sujet de la soirée, c'est la volonté sur l'événement. Évidemment, on sait pour la plupart que c'est pas nous autres qui pensent. Fait que quand on exprime le terme « la volonté », on se dit tout le temps « ouais, mais qui est-ce qui veut ?» Puis quand on dit « sur l'événement », ben là, on fait face à quelque chose qui est bien intemporel. Si on dirait « la volonté », c'est mon patron, ou c'est mon employé, ou c'est ma femme, ou c'est mon mari, ça serait déjà plus facile à configurer un scénario où on a un minimum de contrôle. Mais quand on parle sur l'événement, quand on sait que les événements, c'est des éléments qui se placent dans nos vies un petit peu comme par hasard, en tout cas pour l'ego, ça apparaît comme pour être un hasard, bien, on se demande à un certain moment donné jusqu'où on peut penser avoir un certain contrôle. Fait que la volonté sur l'événement, c'est quasiment paradoxal, parce que la volonté, si on part du principe que ce n'est pas nous autres qui pensent, c'est pas nous autres qui peut vouloir. Puis l'événement, bien, c'est composé par une destinée, une programmation, fait que c'est encore moins sous notre contrôle. Donc, pourquoi ce sujet-là? C'est parce que il m'a été donné de vivre des expériences dans ma vie où l'état de vouloir, la sensation psychologique de vouloir était très, très réel. Je ne peux pas dire que personne ici, dans une expérience de vie, n'a pas goûté à cette sensation de vouloir. Tu n'es plus dans la neige l'hiver, il faut que tu ailles pelleter dehors. Puis tu dis, bon, ben là, il faut que je me décide, il faut que j'aille nettoyer l'entrée, il faut que je sorte mon auto de l'auto, mon auto de la neige, pardon. Et puis, on sait, dans notre réflexion, que si on ne veut pas, ça ne se passera pas. OK? Fait que c'est un état qui est, en général, lu dans l'ego comme une affaire de vouloir. Cet état de vouloir, ça vient d'une sorte d'électricité qu'on a en fonction d'un obstacle donné. Fait qu'on est exposé à quelque chose qui veut nous restreindre à un certain niveau. Et ça exige de vouloir. Donc, vouloir, c'est un climat psychologique, émotionnel, vital, physique même, qui exige de se manifester contre un obstacle ou vers une direction qui en soi, à cause de l'aspect du futur, de l'imprévu et de tout ce qu'on peut imaginer qui nous échappe, doit comme donner un résultat, une résultante à cet état de vouloir. Ce qui nous amène à vouloir définir un événement, parce que cet état-là doit s'appliquer sur un événement en ce qui concerne le sujet de la soirée. C'est quoi ça, un événement? Mettre ça bien simple, c'est comme si un événement, c'est un blind date, c'est une rencontre pour aveugles, pour traduire, une rencontre avec un aspect de votre destin. Vous avez les événements de votre destinée et vous avez certaines étapes de vie à rencontrer une partie de votre destin pour des changements radicaux dans votre vie, pour une expérience de mutation qui se veut toujours individuelle et personnelle, mais qui peut être accompagnée d'une mise en scène où il y a beaucoup de personnes. T'sais, s'il y arrive un événement où vous êtes exposé au Journal de Montréal, c'est sûr que la collectivité récupère un événement qui vous est attribué à vous et à peut-être quelques personnes autour de vous, mais ça reste quand même le lot d'un groupe de gens quand même assez restreint qu'une collectivité peut être témoin par le biais des journaux, la radio, la télévision, etc. Là, vous allez me dire, c'est un destin collectif. Dans certains cas, ça peut être une petite collectivité, puis dans d'autres cas, bien, ça peut être une grosse collectivité, puis dans d'autres cas, c'est strictement individuel, ça ne sort pas d'un journal, c'est à peine juste les voisins ou quelques voisins qui voient ou remarquent qu'est-ce que vous vivez. C'est pas l'ampleur du drame médiatisé qui a de l'importance, c'est comment vous traitez avec le drame ou le combat ou la lutte que vous avez à vivre, sur lequel doit se manifester cette espèce de puissante mise en vibration qui vous met le climat mental de vouloir. Vous voulez faire quelque chose. OK? Vous allez remarquer que dans votre vie, vous avez voulu beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. C'est là qui vous amène à penser que votre volonté n'est pas assez forte, et pas assez ajusté à ce qui doit être un intérêt quelconque de votre ego à réaliser un but, un objectif quelconque. Donc, vous allez dire, moi, j'ai pas de volonté. parce que vous mesurez votre pas de volonté à l'acquisition finale, à l'objectif final d'un rendement ou d'une efficacité quelconque. Mais là, si vous regardez que vous voulez et que l'objectif n'a pas d'importance, là, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez pas de volonté. Vous pouvez dire « je développe ma volonté » ou « de la volonté ». Puis éventuellement, votre langage se raffine, puis vous allez dire « je développe de la contenance ». Puis quand ça va être encore plus avancé, vous allez dire « les forces m'obligent à contenir cet événement-là ». Puis éventuellement, vous allez dire « les forces se servent de mon canal pour passer un message dans un milieu, dans un environnement ». Puis, il faut que je contienne la vibration. Fait que ça évolue le langage du mot « vouloir ». Vouloir étant quelque chose qui, au niveau de l'ego, semble être représentatif d'un intérêt très, très, très personnel pour une satisfaction très, très, très personnelle et qui vise à des objectifs pour sa propre satisfaction à long terme ou à court terme. Donc, vouloir et éventuellement contenir, c'est la même chose. Mais la lecture que vous faites de l'événement va faire que vous allez le voir personnel dans le sens du « je » ou que vous allez le voir pré-personnel dans le sens de l'esprit. Et c'est là que le travail, le plus gros du travail, doit se faire. Est-ce que vous êtes la personne qui est à l'origine de l'événement? Et si oui, l'origine de l'événement, on va dire... ça date de quoi, là? Ça part de quoi? C'est quoi l'allumage qui fait que l'événement se présente à vous? S'il n'y a pas de hasard, on part du principe qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a du hasard, bien là, vous n'avez pas été à bonne place. Mais ça, c'est facile. Mais s'il n'y a pas de hasard, c'est que l'événement qu'il y a dans votre vie, elle vous est due. Hein? C'est quelque chose qui s'adresse à votre personne. S'il n'y a pas de hasard... Bien, c'est sûr que l'événement est attribué à une résonance que vous avez qui vous met en syntonie, qui vous met en fréquence, qui vous met en harmonie avec un type d'événement. Quand on parle d'harmonie, on ne parle pas de force positive, là, nécessairement. Harmonie, ça veut dire que vous êtes syntonisé à des événements qui peuvent être négatifs puis qui peuvent être positifs. Donc, vous êtes en harmonie avec un événement négatif, il va vous arriver un accident ou quelque chose de négatif. Si votre esprit sait qu'est-ce qu'il fait et que vous comprenez parce que vous avez écouté le CD sur l'intelligence du mal, si vous savez que le mal est nécessaire, vous allez dire, « Ah, un événement négatif, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne là-dedans? » Là, vous allez évidemment voir un événement comme une mise en scène pour vous faire vivre une sorte de training, un entraînement à un climat chaotique ou déséquilibrant, ou peut-être favorable dans certains cas, pour vous faire vivre un test. Parce que même les événements favorables, comme gagner le million, c'est un test. Un événement qu'on qualifie généralement positif, on s'attribue en général le mérite de ça. L'ego dit « Ah, je méritais ça ». C'est drôle qu'on ne dit pas la même chose quand c'est un événement négatif, on ne dit pas « je méritais ça ». Mais tout est conséquentiel à des comportements ou à des états d'âme qu'on vit qui sont plus ou moins réglés puis qui exigent éventuellement qu'on fasse comme une sorte de ménage dans le garde-robe. Il y a des choses qu'il faut jeter, on ne les jette pas, ils accumulent. Au bout de 5 ans, 10 ans, les forces disent « bon ben là, on va faire passer la maison au feu comme ça ». Elle n'aura plus de problème à se poser la question si elle garde ce chapeau-là ou si elle garde cette robe-là. Vous me suivez? Bon. Fait que là, on dit, j'ai passé au feu. Bien, moi, je passe en arrière, je dis, c'est sûr, tu n'as pas fait le ménage dans ton garde-robe. C'est quoi le rapport? Tout ce que tu ne fais pas, que tu accumules éventuellement, il faut que ça soit, faut qu'il y ait une décision qui se pose dessus. Fait que les forces vont appliquer une décision sur toutes les décisions que vous n'avez pas prises. Hey, c'est simple! Yes! Tu ne prends pas de décision, c'est pas grave. C'est comme avoir des cartes de crédit. Tu as 5-6 cartes de crédit, tu ne payes pas, tu ne payes pas, tu ne payes pas. C'est pas grave, ils vont me les fermer à un moment donné. Hein, c'est simple. Fait que les catastrophes dans votre vie, c'est tout ce que vous négligez. tout ce que vous voulez pas, tout ce que vous contenez pas, c'est des événements à caractère catastrophique que ça attire. Tout ce que vous voulez, ça veut dire tout ce que vous faites l'effort sérieux de contenir. Donc, c'est tout ce que l'ego pense qu'il contrôle, mais qui s'assure qu'il y a un certain ordre, un équilibre dans sa vie pour le contenir. Ça avantage des événements heureux. Heureux, ça veut dire ordonné, dans le même sens que la suite de l'ordre que tu sais faire parce que tu veux quelque chose. Quand tu veux quelque chose, tu t'organises pour que ça marche, puis tu t'informes que ça marche, puis tu travailles pour que ça marche. Puis quand tu négliges, ben tu fais quelque chose pour que ça marche pas, puis éventuellement, ça marchera pas. Ça va réellement bloquer dans le manche, puis là, tu vas te ramasser avec des événements dits malheureux. Là, tu peux pas contenir, quand ça fait 10 ans que tu contiens pas, tu peux pas contenir tout d'un coup les 10 ans que tu n'as pas contenu. Ben, vous comprenez que là, il faut que ça frappe. Qu'on puisse changer la situation, ça reste toujours une question de volonté. As-tu de la volonté sur l'événement? La volonté de l'événement sur l'événement, c'est comprendre l'événement dans ce qu'elle a de conséquentiel. Puis c'est surtout, comme je dis souvent aux gens qui font de la bourse, étudier vos pertes. Vous avez payé assez cher pour avoir une perte pour étudier vos pertes. Allez faire l'étude de votre perte. Fait que là, on a commencé à faire l'étude de la perte. Puis on dit, bon, ben là, faut que tu prennes des vacances, faut que tu relâches, tu peux pas te mettre tout, ça a job. Je comprends qu'il faut que tu sois riche, mais là, il est trop tard. T'sais, c'est plus nécessaire d'être riche. Il y a d'autres façons de vivre la richesse, c'est celui de bénéficier de la vie. Si tu travailles tout le temps pour jamais bénéficier de la vie, tu travailles pour rien. Tu veux rien. T'sais. Fait que la définition d'un événement, si on met ça au simple, c'est la conséquence de tout ce qu'on veut ou de tout ce qu'on veut pas. Vouloir étant contenu, parce que vu du point de vue des forces, on ne veut rien, c'est eux autres qui nous mettent en vibration. Mais si on ne répond pas à vibration parce qu'on est réellement bouché, c'est inévitable que les événements vont avoir la nature de nos blocages. Comme les événements peuvent avoir la nature de nos déblocages. Vous débloquez, pas vous comprenez, il n'y a rien à faire avec la compréhension, c'est pas suffisant. Il faut agir sur ce qu'on prend, sur ce qu'on comprend. Vous agissez sur ce que vous comprenez, sur les signaux, sur les points qui névralgiques qui stimulent votre mental. Puis là, à partir de là, ben, vous êtes capable de corriger la rythmique événementielle dans laquelle vous êtes appelé à vivre. Ça ne change pas votre destinée, mais ça peut sérieusement alléger la nature du problème. Ils vont vous le présenter pareil, le problème. Tout le monde va être à faire face à un moment donné du vieillissement. Mais il y a bien des façons de vieillir. Il y a vieillir Alzheimer, puis il y a vieillir à marcher moins vite dans un parc avec ta chum. Ben, tu marches moins vite parce que t'es plus vieux, mais t'es pas sénile au point de pas voir clair dans ce que tu fais. T'sais? Parce que quand t'es Alzheimer, là, c'est à peine si tu sais comment reconnaître tes bas, des bas blancs, des bas bruns. T'sais? Fait que, il y a une rythmique dans la pression de la vie qui change quand on comprend, puis quand on agit sur ce qu'on comprend. Fait que ça, c'était le sujet de notre consultant après-midi. Comment on peut agir sur ce qu'on sait? Parce qu'on développe beaucoup d'intelligence dans ces groupes-là, mais on développe-tu le spark, l'allumage qu'il faut pour agir sur ce qu'on sait? Puis ça, c'est pas évident. Je vois pas beaucoup de gens qui agissent sur tout ce qu'ils savent. Je vois beaucoup de gens qui réagissent encore à des structures émotionnelles, puis qui font des gros efforts pour comprendre pourquoi ils sont émotifs, ou pourquoi ils vivent ci, ou pourquoi ils vivent ça. Ça fait des gens très informés, très capables d'analyser psychiquement ou occultement une situation, mais ça vous garantit pas d'une capacité d'agir sur la situation. Il y a des gens qui en savent beaucoup moins que vous autres, au niveau psychique, au niveau occulte, qui sont capables d'agir plus rapidement, parce que peut-être qu'ils en ont moins à analyser. Ils en ont moins à comprendre, mais ça reste toujours le fait que votre capacité d'action, votre capacité de mettre en allumage électrique une idée pour la rendre dans forme, la rendre au terminal, comme on dit, d'horizontaliser la vibration, ça devient un élément essentiel. Donc, si un événement pour vous autres, c'est pas un hasard, tout événement qui se passe dans votre vie, je dis pas que c'est vous autres qui l'avez déclenché, parce que ça vient pas de vous autres, mais ça a été attiré par votre attitude mentale. OK? Moi, j'ai pas beaucoup de monde à soir, mais je suis très fatigué. La bourse m'a brûlé rennette cette semaine. Fait que c'est normal. Je comprends ça. on m'a revengé si c'est dit, façon de parler. Fait que, mais je comprends qu'à cause de la fatigue, ça ne peut pas être 50 personnes dans la salle. Je comprends ça. Par contre, il ne faut pas que je reste dans cet état-là. Je commence à me plaindre de ça, je ne pourrais plus vouloir. Tandis que demain, si j'ai une bonne nuit de sommeil, je vais être capable de vouloir d'autres choses. Parce que là, l'événement va être passé, puis rien faire cet événement-là quand c'est terminé. Mais l'événement étant passé, je vais pouvoir vouloir d'autres choses. Vous me suivez? Puis dans le vouloir d'autres choses, il ne faut pas que je traîne l'impression que j'ai manqué mon coup ou que les forces sont sous mon cas ou de ci ou de ça. Il faut simplement que je comprenne que l'événement était à pointer avec mon état. Êtes-vous capable de faire cette expérience-là à un moment donné, de ne pas accuser ni Dieu, ni les forces, ni votre voisin, ni votre mari ou votre femme, pas accuser, pas dire c'est la faute à. Juste dire, ah, ça va avec mon attitude. Ça va avec ce que j'ai comme rayonnement. Puis de voir que c'est strictement, l'événement, c'est strictement un appointement avec ce que vous êtes ou n'êtes pas. Ou de ce que vous voulez être puis ce que vous devriez être. Puis versus ce que vous êtes. Quelque chose, là. Les forces versus la volonté. Comment ça se manifeste, les forces, avec l'homme ou avec la personne? C'est strictement par vibration. La vibration peut pratiquement vous faire lire tous les événements futurs d'avance. Peut-être pas au niveau d'une lecture formelle, là, style « il va m'arriver telle affaire avec telle auto, telle affaire de telle couleur, puis telle personne ». Ça va pas jusque-là, il ne faut pas charrier. Mais la vibration peut vous informer suffisamment pour savoir dans quelle direction que ça s'en va, votre vie. Juste la vibration, c'est suffisant pour vous dire, tu t'en vas par là. Je suis découragé, je m'en vais vers la catastrophe. Je comprends ce qui se passe, je corrige ce qui se passe, je mets de l'énergie à modifier l'état d'âme dans lequel je suis, je viens de changer de cap. Là, tu te dis, wow, t'as le choix. Non, non, non, non, non, j'ai pas le choix. J'ai deux tracks possibles, la traque de l'âme puis la traque de l'esprit. Je vais pouvoir prendre la traque de l'esprit si j'ai de l'esprit, puis si j'ai de l'esprit, je peux pas prendre la traque de l'âme. Si je suis pas capable de prendre la traque de l'esprit, c'est automatiquement la traque de l'âme. Donc, j'ai pas le choix non plus. Il s'agit pour vous autres de bien comprendre que tout ce que vous faites pour monter votre vibration, ça vous sort de la traque de l'âme, avec toute la nature polarisante des événements ou des états de pensée que vous avez quand vous êtes dans l'âme. Les forces se manifestent pour vous faire vibrer de l'esprit le plus clairement possible. S'ils ne peuvent pas vous syntoniser à eux autres, c'est inévitable qu'il faut qu'ils vous laissent avec l'âme, avec l'expérience de l'âme, parce qu'ils ne sont pas capables d'aller vous chercher, parce qu'il n'y a pas d'ouverture, parce qu'il y a trop de réflexion. Donc, si vous avez trop de réflexion, puis c'est toujours je, vous pouvez essayer de barouetter vos chums en le disant « Ah, ils me disent que », mais si c'est juste « ils me disent que » pour faire un spectacle, ben c'est sûr que vous bullshitez, puis vous pouvez peut-être bullshitter vos chums, mais vous ne pouvez pas vous bullshitter. Parce que vous vibrez d'une certaine façon. Puis votre vibration, il y a du monde qui sont capables d'aller. Puis vous, surtout, le fait de vibrer, ça va vous appeler certains événements. Bon. Fait que si vous avez une vie qui est dans l'impression d'avoir le contact, vous allez inévitablement avoir une vie qui va être sujet à des bombardements pour vous tester dans l'impression. Si vous n'êtes pas dans l'impression d'avoir le contact, mais vous avez le contact, vous allez avoir une vie, là, c'est... Comment j'expliquais ça? Il y a des tests, mais c'est limpide. Ça se faufile dedans. Mais une personne qui vit de l'impression vit de l'âme, et l'âme est toujours catapultée dans des événements à caractère très, très, très polarisé. Très... comme elle a vécu un choc, puis je le sens à distance, OK? Juste par la façon que j'ai répondu. Mais qu'est-ce que tu veux, j'ai pas le choix, je pensais que c'était un autre. Et puis, ça c'est facile à balancer, tu sais. Je retéléphone demain, je m'excuse, tout est réglé. Mais, si vous êtes, vous, dans des expériences d'âme, vous allez vivre une confusion d'âme, puis c'est toute la charge émotionnelle qui va remonter. C'est comme les toilettes qui bougent, puis la merde qui sort de la bolle, puis qui s'étend à terre, OK? Si vous vivez de l'esprit, la balle n'est jamais bouchée. Ça pose tout le temps comme une balle. Vous pouvez vivre des expériences où c'est chiant, mais vous ne vivez pas de débordement. Tandis que quand vous vivez ça au niveau de l'âme, il y a toujours des débordements. Donc, la situation est toujours en crise, est toujours dans une zone de crise. Les forces manifestent par une vibration. On n'est pas toujours capable d'aller, la maudite vibration. J'ai perdu 3000 piastres hier parce que je n'ai pas été capable de lire la vibration dans le marché. J'ai regardé après, je dis... Étant donné qu'eux autres m'avertissent tout le temps, quand est-ce qu'ils m'ont averti? Puis là, j'étais capable, après, ah, ça me parlait, ça. Ça. Si j'avais fait ça, j'aurais pas vécu ça. Au contraire, j'aurais fait 3000. Mais j'étais pas capable de le lire, parce que j'étais trop dans la technique, j'étais trop dans l'âme de rechercher quelque chose de mécanique. J'étais pas été capable d'écouter les avertissements. Je savais que le marché baissait, c'est une pleine lune. Mais j'ai pas fait de recherche pour savoir à la pleine lune, avant la pleine lune, après la pleine lune. Moi, égoïquement, j'ai déduit que c'était après le 7. Mais non, ça a été le 6. Donc, la prochaine fois, là, pleine lune, nouvelle lune, toute l'équipe, là, je vais checker les nouvelles qui sont à la pleine ou à la nouvelle lune. Parce que les nouvelles vont me dire quand est-ce que ça va slider, cette affaire-là. Donc, j'ai été empiffré d'âme par le fait de la recherche purement intellectuelle. Puis en étant empiffré d'âme, ben, j'ai vécu un choc à l'âme. Vous me suivez? Je te regarde à ce soir, c'est juste parce que j'ai besoin de regarder quelqu'un. Je peux regarder Pierrette, mais je l'ai regardé tout l'après-midi. Donc, si l'autre, les forces vous envoient une vibration puis que vous êtes capable de la lire, il n'y a aucun événement malheureux absolument. Il peut y avoir des événements qui sont des tests, mais ce n'est pas des tests qui sont des grosses charges. Là. C'est un test comme il y a un autobus qui freine, tu freines. Tu sais. Ou tu as le sentiment qu'il faut que tu ralentis, puis il y a un fantôme qui passe, puis tu vois le policier dans le char. Tu sais, c'est facile. Là, tu es capable comme de désimpliquer, puis tu es capable d'écouter la vibration. Fait que ça te fait lever le pied sur le gaz, ça te fait mettre le break à bonne pression, ça te place en situation où c'est harmonieux. Il y a des tests, mais c'est harmonieux, c'est pas déséquilibrant, tu sais. Parce qu'on reste quand même qu'on ait des corps polarisés par le seul fait d'être mêlés à une collectivité, puis dans la collectivité, bien, il y a toutes sortes de vibrations qu'on capte qui nous dérèglent, mais ça nous dérègle pas au point d'atteindre notre cerveau, notre mental. Mais les gens, eux autres, qui sont très polarisés, qui sont sur la dope ou l'alcool régulièrement, bien là, les effets pervers de la collectivité peuvent les atteindre plus facilement. Puis quand ils sont placés dans des zones karmiques où ils doivent passer à des gros tests, c'est sûr que là, la dynamique de la personne est dans une situation de crise extrême parce qu'elle réfère strictement qu'à sa mémoire. Elle n'est pas capable de lire une vibration parce qu'elle pense ce qu'elle pense. Mais là, à ce moment-là, cette crise-là a fait des dégâts énormes. Donc, la santé peut être un effet aussi. Donc, si les forces se manifestent par la vibration, votre volonté, c'est de contenir la vibration. C'est pas de vouloir gagner à la loterie. C'est pas ça, vouloir, là. Vouloir, c'est être capable de prendre en considération une direction. Vouloir, c'est d'être capable de prendre un choc émotif quand il se produit en étant capable de vous dépolariser. puis de ne pas vous empêcher d'agir. Moi, tout de suite après ma perte de 3000, je suis rembarqué, j'ai refait 200. Tout de suite, bang. Fait que c'est comme, écrase pas, là, c'est ça, prends ça comme ça, t'étais pas devant ta machine, tu dormais, rembarque, puis ouais, on continue, fini. Ça, c'est vouloir. Mais commencer à broyer sur son sort, puis dire, ah, la vie compte moins, puis papa, je suis pas capable de prendre ça. Mais là, ça, c'est la fin d'eux. Ça veut dire, t'es pas fait pour telle chose. Puis là, dans ce temps-là, c'est pas de broyer sur quelqu'un pour te remonter. Il n'y a personne qui va te remonter. Tout le monde va essayer de t'encourager. Mais comme tu veux rien, tu veux pas, tu n'es pas capable de contenir. L'autre va peut-être contenir ce que toi, tu ne contiens pas, mais c'est lui qui va se développer. C'est pas toi, c'est lui. Lui, il va se développer sur ton propre malheur. Puis toi, tu n'iras pas chercher le pourquoi l'expérience s'est passée. La force, elle vient de la capacité de lire une vibration puis de ne pas rentrer dans le jeu. Vous êtes dans le jeu, dans une crise, vous êtes knock-out, c'est garanti. Parce que une crise, c'est toujours plus fort que la logique d'un ego. Tout le temps. Tout ego qui est placé en situation de crise est placé là, dans une crise, pour se faire défaire. C'est fait pour défaire le jeu, une crise. C'est pas fait pour renforcer le jeu. C'est fait pour défaire le jeu. Laissez-vous défaire. Hein? Tu te fais défaire le jeu, il reste quoi? Il reste, c'est la vie. Puis c'est la vie, si tu le regardes encore en jeu, c'est la vie contre moi, donc tu es dans le jeu. Puis si tu n'es plus dans le jeu, bien, c'est la vie pour essayer de comprendre pourquoi ça, à quoi ça sert. Si tu comprends que ça sert à quelque chose, là, tu vas pogner l'affaire de la vibration. Là, tu vas avoir à contenir ce que la vibration fait. Puis tu ne porteras pas de jugement émotif sur ce qui se passe, sur l'événement. Là, tu commences à être capable de vouloir. Tu te désimpliques de l'origine du qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens vont dire, les forces, ils veulent quoi? Ils ne veulent rien, les forces. Ils font juste remplir les trous. Quand à un moment donné, tu as un trou qui est trop gros, eux autres sont plus wise que le gouvernement du Québec. Ils font de la maintenance de leur pont. Ils remplissent les fissures avant que ça tombe. Mais si vous ne laissez pas travailler le pont, si vous ne laissez pas travailler le viaduc, ils vont le laisser rouiller, puis ça va cracher, ça va tomber. Donc, les forces, avec la volonté, c'est contenir une vibration. La volonté sans les forces, c'est du plaignage, la plainte, du reproche, la culpabilité, le sentiment d'inefficacité. C'est une impression que la vie ne veut pas de vous autres. Dans une crise, j'entends. Mais la crise, oubliez-la pas, c'est faite pour mettre votre ego à terre, pour que les forces passent, pour que vous soyez capable de lire une vibration. C'est à ça que ça sert, une catastrophe. Ils vous mettent la catastrophe tout le temps à un point où votre ego va penser qu'il a le contrôle. Remarquez quand est-ce que ça se passe. Vous pensez que vous tombez dans un contrôle égoïque, là, clac, il vous en envoie une petite vite, là, juste pour sentir que, vous faire sentir qu'ils veulent bien que vous soyez capable de faire ça. Et c'est eux autres qui veulent bien. Ils vous laissent faire telle chose. Pas pour que vous ayez un ego plus fort. Il faut que vous ayez une capacité de saisir les subtilités ou une possibilité ou un avantage ou de pouvoir sentir que vous avez une progression qui est sous votre contrôle. Alors que ce n'est pas votre contrôle, c'est sous contenance. Vous progressez sous contenance. Vous faites des choses parce que vous êtes capable de le contenir. Le jeu dans la vie, c'est de toujours s'arranger pour être capable de contenir de plus en plus. Je me dis, y a-t-il une recette? Non, il n'y en a pas. Il y a juste que, quand il y a une crise qui se passe, essaye d'être avec du monde qui vont te l'expliquer, ou fais simplement l'exercice de ne pas te décourager devant cet événement-là pour aller un petit peu plus loin, pour voir où est-ce que ça s'en va. Les gens qui sont fatalistes, c'est toujours des gens qui vont se faire prendre en charge. Ils vont dire, ah, ben là, moi, si je peux pas, il y a quelqu'un qui va être capable à ma place. Les gens qui se font prendre en charge, ils ont une nature fataliste. C'est comme s'ils ne veulent pas que ça parte de par leur canal. Ils veulent être dans une atmosphère où il y a des gros canaux qui canalisent l'énergie, puis qu'eux autres bénéficient du rayonnement. Les mouches à feu. suivez? Tu sais, c'est comme s'il y a du monde qui vont dans un party. Ils sont jamais les vedettes, mais c'est des teignes. Fait qu'ils créent pas l'ambiance. Ils viennent profiter de l'ambiance. Mais ils font rien pour mettre de l'ambiance. Ils font simplement aller pomper, un peu comme une entité. Ils vont pomper l'énergie de l'esprit des autres. Fait que c'est pas des éléments participants. C'est des éléments qui se font prendre en charge. Passent leur vie à copier ou à répéter ou à se donner l'impression que les choses s'améliorent dans leur vie parce qu'ils connaissent telle ou telle personne. Mais tu regardes ces gens-là, quand ça va mal, ils sont fatales, sont fatalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de générer de solutions. Ils n'ont pas accès à la vibration. Parce que pour avoir des réponses, il faut tailler la vibration. Et si tu n'es pas capable de lire la vibration, mais tu n'as jamais de réponse. Tout ce que tu vas faire, c'est de répéter ce qui est marqué dans un livre. Moi, je ne voudrais pas me faire recoudre par quelqu'un qui s'improvise chirurgien parce qu'il y a un livre de chirurgie dans la maison. Ouh! Bon, à page 12, moi non. OK, donne-moi un scalpel courbé comme ça. Regarde la photo, là. Celle-là, je veux. Aïe, aïe. T'sais, ah, j'ai vu dans un film qui mettait du whisky, ça appelait, là. Hey, hein? Ça, je ne voudrais pas vivre ça, moi, là. Vouloir contenir et résister. Résister pas dans le sens d'offrir la résistance, mais résister dans le sens de ne pas craquer. Vouloir contenir et résister. Quand on est un petit peu avancé dans l'affaire de les forces puis l'ego, là, on finit par comprendre que l'objectif de vie, c'est ça. C'est développer de la volonté, par le biais de la contenance, puis une grande capacité de résister à la tension. Parce que plus tu vieillis, moins il y a de formes qui ont de valeur. Puis là, tout ce que tu veux, là, c'est balancer tes vibrations à un moment donné. Fait que si plus tu vieillis, l'affaire de contenir puis vouloir, puis être capable de résister, ça devient l'essentiel même de la vie, c'est parce que là, tu es rendu à une étape de ta vie où tu sens qu'il ne faut pas grand-chose pour que tu t'en ailles. Donc, tous les projets que vous avez eus dans votre vie pour vous rendre à 80 ans, ça a toujours été des prétextes pour vous développer. Mais ça n'a jamais été des objectifs en soi. Ça, on ne peut pas comprendre ça quand on parle comme ça à 30 ans. On peut comprendre, comme Charlie, là, que la vie, là, il fait beau, il y a un beau soleil comme aujourd'hui, tu vas faire une ride d'auto avec Claire, puis tout le monde est brillant. Hein? La vie est belle. Puis, tant que le Subaru est capable de rouler, qu'il y a du gaz dedans, puis que la femme ne chiale pas trop parce qu'elle n'a pas de maison de 2 millions, tout est correct. Tu sais, hein? Fait que lui, vouloir, ça ne devient pas compliqué. Contenir, c'est éventuellement un jour pas faire dans sa couche. Puis, tu sais, ça devient résister à l'idée de s'en aller dans le sommeil, puis de rester en vie. Qu'il reste tous les autres projets dans la vie, le vendre des stimulateurs cardiaques à n'importe quoi. Là, j'étais pour dire des affaires, mais c'est pas 10 ans. Ça devient des prétextes. Des prétextes pour vivre une vie, c'est tout. Parce qu'il arrive un stage qu'il n'y a plus rien d'important. Là. Sans crise même de comprendre ce que Ménard dit, on s'en fout dans l'an 40. On veut juste être avec Claire et être brillant ensemble. Ça devient tellement simple, la vie. Il reste quoi après? Comprendre que toute ta vie, tu l'as passée en vivant des émotions, puis que ces maudites émotions-là, là, ça a été l'élément le plus corrosif à la conscience, comme du sucre sur une dent qui fait une carie. Là, tu te dis, pourquoi j'ai eu tant d'émotions? C'était pas grave, dans le fond. Puis là, tu fais le bilan de tous les systèmes de valeurs que tu es obligé de traverser, puis dépasser, puis éliminer, pour finir par comprendre que la seule chose qui importe dans la vie, c'est ta vie à toi, avec des gens qui t'empêchent pas quoi que ce soit pour te développer. Tu sais, qui sont pas là avec des règles morales ou des grandes idéologies puis des grandes théories pour te casser le pompon puis t'empêcher de te développer. Fait que tu veux être en compagnie de gens qui ont de la contenance, qui ont de la volonté, qui ont une pulsion électrique là, pour mettre du piquant puis du vivant dans la vie. Puis que les émotions, là, le plaignage, ces choses-là, tu ne veux pas en entendre parler. Donc, si un individu parle d'événements un jour, d'une façon genre moi j'ai le contrôle, c'est qu'il est jeune. Quand tu es plus vieux, tu ne regardes pas les événements comme quoi tu as le contrôle. Tu regardes les événements comme quoi tu es capable de t'adapter. Puis t'adapter, ça devient la façon la plus intelligente de vivre, tandis que quand tu es dans le jeu, tu penses tout le temps pouvoir casser la nature même de l'événement. Alors que c'est pas l'événement que tu contrôles, c'est toi qui apprends à traiter avec les événements. Fait que là, tu diras pas « j'ai cassé tel gars, moi, il pensait de même, puis j'ai fait revirer ses idées. » Non, tu vas dire « j'ai été capable d'apporter des ingrédients dans sa vie qui ont transformé une ligne de conduite qu'il avait, qui probablement était bien fatigué de vivre avec, puis je semble avoir assez dynamisé son dialogue pour pouvoir lui faire voir un autre aspect que là, ça semble être plus facile de parler ou de penser de même. » Là, tu as moins l'impression d'être Joe Blow qui connaît tout. Tu as simplement l'impression d'être un bon serviteur des forces qui te permet d'être en contact avec une personne pour voir d'autres choses que ce qu'il voyait avant. Très, très, très différent. Tu es beaucoup plus souple, beaucoup plus dégagé. Puis plus ta définition de l'événement est engagée dans une lecture de la vibration, bien là, à ce moment-là, tout ce qui se passe comme événement, c'est tout correct, même quand c'est pas correct. C'est pas correct pour l'ego, mais c'est correct que ça se passe comme ça pour que l'ego se tasse pour laisser passer la vibration. Fait que moi, une personne me parle d'une crise, puis la crise, je suis capable de la lire comme une situation, nécessaire pour mettre l'ego de côté pour qu'il puisse passer à travers. C'est un test. Et là, à ce moment-là, la personne, tu la vois pas comme elle fait pitié, tu la vois comme « wow, elle est chanceuse, là, elle a une occasion de démontrer une autorité, une force de caractère, briser des limitations, s'enlever dans le mental des attitudes qui la font comme se maintenir toujours dans un déséquilibre. » Elle m'a laissé là-dedans, si elle me le demande. Moi, je vais la forcer, là, parce qu'elle n'est pas capable. Si tu lis un autre comme pas capable, tu ne l'aideras pas à se développer. Tu vas lire ça en « je suis plus capable que elle ou que lui ». Hein? Et là, tu laisses l'autre dans son bouillon, puis tu dis « écoute, si tu as besoin d'aide, tu m'appelles ». Il vit son combat, puis son combat, c'est là-dedans qu'il apprend. Puis là, à un moment donné, ben, il t'appelle. Tu dis « bon, ben, qu'est-ce que tu ferais là, si tu serais à ma place? » Ben, moi, ce que je ferais, j'appellerais tel autre. Il est plus capable de t'aider que moi. Moi, je suis pas capable de t'aider là-dedans. Je peux t'aider là-dedans, là-dedans, là-dedans, mais moi, je ne peux pas t'aider là-dedans. Bon, fait qu'au moins, il sait que tu es un outil pour telle chose, mais que tu n'es pas un outil pour telle autre chose. Fait que là, il est déjà en mesure de voir avec quoi ou avec qui ou dans quel temps il faut qu'il fasse affaire avec telle ou telle personne. Fait que tu l'aides à apprendre à lire, mais tu ne le plains pas sur le combat qu'il vit. T'as suivi? Alors, un enfant qui est infime. Je ne regarde pas un infime, je regarde quelqu'un qui est handicapé à faire certaines choses, mais qui va être obligé de faire une chose. Si je trouve une chose que l'autre peut faire, qui fait qu'il ne vivra pas l'impression d'être capable de rien faire, mais je vais avoir aidé cet enfant-là, qui est rendu un adulte, à se donner un mode de vie où il va vivre d'une certaine dignité plutôt que de se plaindre de sa condition. Fait que c'est bien plus le fun de voir que quelqu'un qui est dans un combat, que tu puisses être un élément dans son événementiel de vie qui, pas qui améliore, parce que tu feras pas grand-chose à part de lui fournir les outils, mais au moins, tu es capable d'y tendre la main pour lui dire, « Écoute, là, avec cet outil-là, je pense que tu devrais être capable de t'en sortir. » En gros, c'est ça. L'évolution, pour une personne, à mes yeux, à moi, si je me dis, un gars comme Bernard, exemple, c'est un homme qui a beaucoup évolué ou qui a beaucoup fait évoluer, je vais toujours le mesurer sur sa volonté. Sa volonté étant la contenance qu'il y a de la vibration. Si tu es capable de savoir ce que c'est une vibration, tu es capable de lire l'individu sur sa capacité de contenir la vibration. Là, vous allez me dire, ouais, mais la vibration, elle l'a brûlé, il est tombé malade puis il a sauté. C'est une lecture que l'ego peut faire si l'ego a peur d'être malade. Mais tu peux aussi lire que le gars, là, jusqu'à la fin, dans la décrépitude du corps à l'absolu, la vibration a toujours été là, bien claire, bien lucide. puis que dans le fond, c'est ça son combat. Puis c'est ça qui était à montrer au monde, c'est que dans la destruction de la forme, la vibration est toujours la plus puissante. Fait que tu te dis, waouh, il a fait une maudite belle job. Pour lui-même, j'entends. Pour les autres, ça dépend qu'est-ce que tu lis. Moi, je lis ça, je vous le dis. Vous pouvez lire d'autres choses. Vous pouvez dire, fuck, avec la conscience, on va tous avoir le cancer. Vous pouvez lire ça aussi. Mais moi, j'aime mieux lire le fait que le gars, la vibration était plus forte que la forme. Parce que je pense que je lis plus la vibration que de la forme. Mais quelqu'un qui est dans l'affaire d'un événement puis qui lit juste de l'événement, lui, c'est bien important dans son jeu d'avoir l'impression de vouloir puis d'être courageux puis de passer à travers les obstacles dans le jeu. Mais je pense qu'il va avoir moins de chances de passer avec, dans l'obstacle, dans le jeu, que de passer dans les obstacles, pas de jeu. Moi, je regarde les événements que j'ai passés dans ma vie, je suis content à maudit de savoir que c'est pas moi qui pense. Parce que j'ai toujours une explication quand je me plante. J'ai toujours quelque chose qui me dit « ça s'est passé comme ça parce que papapapapap ». Ça, ça me donne pas la possibilité de réenclencher dans l'action. Ça me donne la possibilité de ne pas m'en faire avec l'événement, puis de toujours recomposer un autre aspect de ma vie à travers ces événements-là qui cherchent constamment à miner ma contenance. C'est les émotions des autres, ça peut vous miner votre contenance. Si moi, je travaille avec beaucoup d'émotivité négative, parce que les gens, quand ils viennent me voir, en général, ils n'ont pas trop de solutions. Là. Ils se sentent un petit peu plus désemparés face à la vie. Fait que je travaille toujours avec un certain chaos. Mais pour pas que le chaos m'atteigne, il faut que je sois bien électrique. Donc, il faut que j'aie accès à la vibration pour savoir que la forme est un élément accessoire pour permettre à un individu de vivre un combat. Puis si je suis capable de voir dans le combat de la personne quelque chose que la personne peut contenir, bien, je vais lui donner une lecture de son projet ou de sa dynamique future avec toujours l'impression qu'il n'est pas en contrôle, mais qu'il est en bonne lecture de la situation pour être capable de contenir la situation. Bien du monde va me dire, moi j'ai des problèmes avec ma job. Écoute, je ne peux rien faire pour la personne. Mais je peux lui dire, regardons tes rapports avec l'autorité ou tes rapports avec le père ou les rapports avec ci ou avec ça, de telle ou telle façon, ça va t'expliquer ton combat. Tu sais? Lui, il y a des conflits avec l'autorité, c'est directement relié à son héritage. Ton père te donne quelque chose, puis tu as un conflit avec l'autorité. Il y a un rapport avec le gain et la perte. C'est une polarité. Il y a un rapport avec deux autorités. L'autorité au travail, c'est une autorité paternelle. Puis le père, quand tu es jeune, Chris, c'est Dieu le père, c'est ce que je veux dire. C'est la personne qui te fait vivre, qui te donne à manger. Puis il faut que tu te libères du rapport paternel pour être dans ta propre autorité. Hé, regarde ça. Regarde le rapport qu'il y a avec l'événementiel de ta vie, ton passé, puis comment tu vas aligner ton futur. Toute la game est là-dedans. Si tu n'es pas capable de le faire, bien, tu restes toujours un enfant dans des rapports d'autorité parent-enfant. Mais si tu es capable de sortir du rapport enfant-parent puis que tu t'en vas dans un rapport adulte-adulte, la présentation du problème change. Tout change. On a fait sauter un mythe il y a une couple de semaines, un mythe parental que le père avait créé depuis des années. On l'a fait sauter. Le monde vivait dans une espèce de secret là, à Trois-Rivières, là, de climat de millionnaire, puis de la patente. Là. On a fait sauter ça. Puis depuis ce temps-là, il se présente des affaires dans sa vie. Il y a un lien. Là. Il y a un lien avec ce que le père faisait comme planer, comme atmosphère, puis l'événementiel de ta vie matérielle. Il y a un lien. Là. Qu'est-ce que tu peux vouloir du futur quand tu es lié à des chaînes karmiques? Tu peux péter les chaînes, là, tu as plus de mobilité. Mais il faut que tu le voies, ça. Il y a une liberté dans la vision de la chose, dans la lecture des événements. Ce n'est pas l'ego qui va t'expliquer ça. C'est l'esprit qui va t'expliquer ça. C'est la vibration qui va t'expliquer ça. Si tu ne sais pas lire une vibration, tu es dans la marde dans la vie. Parce que tu vas toujours lire ça au niveau du jeu et de l'ego. Tout le temps. Fait, tu vas lire ça en thème de « ouais, j'ai pas les compétences. Ouais, le gars, il est plus smart que moi. Ouais, ouais, ouais. » Mais c'est ça. Mais c'est pas ça. La vie, c'est pas l'apparence. La vie, c'est la vibration. Dans la vibration, il y a une explication. Puis c'est dans l'explication de la vibration que tu trouves où est-ce qu'est ton chemin puis où est-ce qu'il faut que tu ailles. Mais il y a du monde qui s'acharne à vouloir des choses qui n'ont pas de vibration. Chris, lâche-moi ça. Moi, je m'acharne à vouloir penser que je vais être guitariste un jour. Je vais perdre mon temps. C'est pas ma vibe. Luthier, ah, peut-être, parce que j'aime le bois. J'aime ça, gosser du bois. Mais j'ai pas le temps. Fait que j'ai pas le temps, j'ai pas la vibration. J'aurais la vibration, les événements se placeraient. Le mieux que j'ai pu faire, c'est de m'acheter une guitare. Ben, tu regardes un gars qui a la vibration. Ouais, si, il est trop là-dedans. Il trouve du monde qui sont là-dedans. Mais si tu tiens avec du monde qui font comme lui, disons, il fait de la musique, puis moi, je vais le voir, puis je le vois comme un spectacle sur lequel je ne me sens pas concerné, je ne suis pas capable de partager, je ne suis pas capable de m'engager comme il fait, c'est clair que je n'ai pas la vibration. Ça veut pas dire que je ne l'aurai pas dans une autre vie. Ça veut dire que dans cette vie-ci, je ne l'ai pas. Moi, j'ai fait de la musique quand j'étais avec une musicienne. Puis quand la musicienne n'était plus là, j'ai plus fait de musique. Fait que je roulais sur la batterie de la musicienne. Parce que j'avais déjà fait de la musique, ça va simplement réallumer un vieux feu. Mais c'était la musicienne qui me donnait le goût de faire de la musique. Puis une musicienne, la guitare est dans le garage. La guitare est dans le garde-robe. Est-ce qu'on comprend? Faites-vous de la bourse parce que vos chums font de la bourse ou faites de la bourse parce que vous vibrez la bourse? Si vous vibrez la bourse, vous n'avez pas besoin de vos chums pour faire de la bourse. Ça aide d'être avec des chums qui font de la bourse. Mais moi, je fais de la bourse tout seul depuis 1988, puis j'ai pas besoin de personne pour faire de la bourse. Je m'automotive. Je me locomotive. Mais il y a du monde qui font de la bourse parce que, bon, le meilleur ami a fait de la bourse, d'autres font de la bourse. C'est-tu vous autres qui faites de la bourse? Ou c'est les autres qui vous font faire de la bourse? Elle vient d'où, votre vibration? Elle vient-tu de vous ou ça vient du voisin? Là, vous avez dit que ça vient des forces pour n'importe qui, c'est vrai, mais ça passe par un canal, ça passe par votre canal, ça passe par le canal du voisin. C'est la question qu'il faut se poser à un moment donné. Bon, moi, je vous dis, l'évolution de votre vie, ça passe par la vibration. Les événements découlent de comment vous vibrez les choses. Vous allez vibrer des événements négatifs que s'ils sont dus pour être un test dans votre vie, vous ne verrez pas ça comme négatif, vous allez vivre ça comme des tests qui sont nécessaires pour vous renforcer. Okay. 3 000 à la bourse hier. Bon, OK, c'est violent, mais il me reste encore 67 % du compte. Pas si pire. Écoute, j'ai juste à faire 200 par semaine, pendant, 200 par jour pendant un mois, puis tout est correct. Mais vive elle. J'ai réglé mon problème. Mais si je dis, ah, fuck, je suis pas fait pour ça, moi, là. Ça veut dire que je ne suis pas capable de contenir l'événementiel boursier. Je ne suis pas capable de perdre 3 000, je ne suis pas capable de faire 3 000 dans une journée. Parce que la bourse, c'est pas tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, puis la vie est belle. Là. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux te marier, mais tu ne veux pas que ton mari il parle fort. Tu ne veux pas que ton mari fasse ci. Tu ne veux pas qu'il s'en aille quand tu t'en vas pas. Puis, écoute. C'est quoi tu veux, là? Un pigeon dans une cage? T'sais, on est allé en 2006, là. 2007, dans pas longtemps. Là. Du monde attaché au barreau de chaise de ton lit, là. C'est pas trop légal. OK. Discussion à savoir, est-ce que le couple doit être une propriété mutuelle ou une mutuelle fidélité reconnue par tous? Des questions qui se posent. Le monde a peur de vivre à deux, je comprends, mais quand tu as peur de vivre à deux puis tu as peur de vivre seul en même temps, où est-ce que tu vas rester, toi, là? Fait, c'est toute une façon de voir comment qu'on peut vouloir, qui fait qu'à un certain moment donné, vouloir être seul, vouloir être à deux, c'est plus une affaire de vouloir, c'est une affaire de comment tu composes avec les événements de ta vie qui font que dans la solitude, tu es capable de continuer à te contenir comment, puis dans une structure de couple, tu es capable de te contenir comment. Ça suit? OK. Question. Quand tu as le feu dans quelque chose, c'est parce qu'il y a déjà du bois. Parce que pour avoir du feu, il faut que tu aies du bois. Fait que si tu as le feu puis tu sais pas qu'est-ce qui brûle, c'est plutôt à savoir qu'est-ce qui te fournit. Moi, je sais bien que si je mets en vibration pour quelque chose, c'est parce qu'en quelque part, il y a quelque chose qui me nourrit. Ben, il faut identifier qu'est-ce qui brûle. Je suis stimulé à jouer de la guitare, faire des guitares, moi, tu sais, papa. Mais à un moment donné, je perds le feu. Qu'est-ce qui me fait perdre le feu? J'ai plus de bois. Ben, on fait de la moto, puis je suis toujours nourri. C'est ton feu. Non, mais il y a quelque chose qui me nourrit. C'est la capacité de contenir. Je ne contiens pas jouer de la guitare. Mais je contiens conduire une moto. Fait que mon habilité à conduire la moto me fait contenir la moto, mais mon inhabilité à jouer de la guitare me fait m'écœurer de la guitare. J'aurais beau avoir une PRS, n'importe quoi, ça va toujours rester un cadre pour moi à mettre ses murs. Là. Parce que mon incapacité de contenir le jeu de la guitare va faire que plus la guitare va être chère, plus je vais trouver stupide d'avoir une guitare. Donc, je tue mon feu en me mettant des instruments à portée de main. Écoute, avec ce que j'ai dépensé pour la moto, j'ai déjà l'équivalent de 3 belles PRS dans ma maison. Puis 16 000 piastres de mis dans la machine. Puis une bonne PRS, c'est 5 500 à peu près. Là. Une belle, là, tu sais, avec les petits anges dedans, là, puis toute l'équipe. Pas les anges, mais les petits goélands. Là. J'aurais pu réaliser mon rêve de PRS ben des fois, mais je ne l'ai jamais fait parce que je ne joue pas à la hauteur de l'instrument. Fait que, ben, c'est aussi bien de ne pas faire ça, là, tu sais, tandis que l'équivalent de ça, dans la moto, ben, j'ai eu du fun en maudit là-dessus, là. À chaque fois que j'embarque là-dessus, c'est un fun absolu. Tu sais, je peux rouler à 3 heures du matin, je suis content. Même quand il fait frette et que je gèle, je suis encore content. Là. Je contiens l'expérience. Tandis que la guitare, je ne contiens pas l'expérience. Le fun de faire de la moto, ça se trouve à être en même temps ce qui entretient le feu. Oui, oui. C'est vraiment c'est une satisfaction intérieure à vibrer ça et à contenir ça. Tu n'as pas besoin d'être un spécialiste de compétition motocycliste pour avoir du plaisir. Il s'agit juste que tu roules à la vitesse qui te plaît, avec la contenance qu'il faut, pour toujours se sentir comme en équilibre. Tu regardes des couples, il y a des couples, là, c'est des pétards. Là. Ils sont ensemble, mais Chris, ils ne stressent pas parce que justement, ils sont tellement beaux qu'ils savent que l'autre peut sacrer son canetin. Puis tu vois deux chromos ensemble, là, puis c'est l'amour fou parce qu'ils se disent il n'y a pas personne qui peut aimer ma femme, elle est tellement à l'aide de ce type. Puis la femme a dit la même chose à son gars, tu sais, avouer qu'il n'y a pas une femme qui va sauter dessus, là. C'est réellement à elle, ce gars-là. Là. Il y a juste elle qui peut l'endurer. Fait qu'ils se contiennent, fait que c'est l'amour passion folle, tu sais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est comme ils se contiennent, ils sont bien ensemble. Mais il s'agit que l'autre commence à dire « Wow, il est cute, lui-là. Là. » Puis là, tu commences à sentir la peur de perdre contenance. Là. Puis là, à partir de là, bien, il y a l'affaire de vouloir contracter, vouloir imposer un pack, vouloir que l'autre promette, puis tu sais, ta-ta-ta-ta-ta. Mais tout ça, c'est un jeu de séduction bien subtil. Mais le feu, il est à l'intérieur de ce que tu contiens puis de ce que tu fais avec l'autre. Il est tout là. Toute la patente est là. Un feu, ça implique tout le temps un rapport avec l'environnement. Tu peux pas jouer de la guitare juste pour jouer de la guitare avec des écouteurs sur la tête. C'est pas assez, ça. À un moment donné, il va faire que ça émerge. Attention au verre, il va tomber. Il n'y a rien dedans, mais c'est pas grave. Fait que tu as toujours un rapport avec l'environnement, c'est une question de temps. Ce que tu contiens plus, c'est pour un autre. C'est pour un autre. Ce que tu contiens plus, c'est pour un autre. Ce que tu contiens plus, c'est pour un autre. Ton instrument, il est à vendre. Moi, mes guitares, m'ont dit honnêtement, ouais, le prix que je veux, là, je les vendais. Le trip que j'ai fait dessus, là, qui était de les regarder, c'est terminé. Non, ça prend pas bien ben, place dans le fond du garde-robe. Une guitare, c'est pas gros, là. Non, je suis capable de te faire une guitare jusqu'à temps qu'elle vale 5000 pièces pour un collectionneur. Ça me dérange pas. Les deux guitares que j'ai, là, ça a été pensé quand je les ai achetées pour pouvoir les revendre le même prix que je les ai payées. Je savais que je n'étais pas un bon guitariste. Je me suis padé. Quand tu achètes une guitare cheap, elle ne vaut plus rien au bout d'un an. Mais quand tu achètes une guitare de qualité, elle vaut toujours de l'argent, même dans 20 ans. Surtout si elle n'est pas utilisée. Là, il n'y a pas de graphique dessus. Hein? Okay. Elle est impeccable. Ça veut dire que nos vibrations changent? Tout change? Oui. Oui, mais ça fait avec un autre. Ma moto, après-midi, je la conduisais, là, puis je trouvais que ça manquait de jus. Mais, tu sais, manquer de jus, là, c'est parce que j'aurais voulu faire 160-200 plus vite que le 160-200 que j'ai fait, là, tu sais. C'est comme... Ah ouais, un petit peu plus vite, là. Mais là, c'est comme... Quand je l'ai acheté, ça allait aussi vite qu'elle va là. C'est juste que là, à un moment donné, tu t'habitues, puis là, à un moment donné, c'est comme tu cherches d'autres choses. Donc... Puis c'est peut-être que parce que je viens de perdre 3000 pièces à la bourse, là, qui fait que j'ai un gros rush. Là. Bah, calice, ça va marcher par là. Si j'avais pas perdu, j'aurais peut-être été le gars qui roule 70-80, puis que le monde klaxonne, puis j'aille plus vite. Pourquoi? Ben, j'aurais été dans un état d'extase. Tandis que là, c'est une métastase. Tout est relatif, hein? Non, c'est pas en comparaison. Le feu, c'est au personnel, ça. T'as pas le feu... Tu peux avoir le feu des autres, comme j'expliquais tout à l'heure, là. T'es dans le feu de quelqu'un qui a un gros feu. Puis après ça, tu peux avoir le feu tout court, là. Mais moi, je pars toujours du principe que quand j'ai le feu, ma mesure, c'est d'être capable de le faire tout seul. C'est sûr que si j'étais avec un autre ou d'autres, ça va dynamiser, c'est sûr. Tu sais, moi, je fais de la recherche, puis j'ai Claude qui, de son bord, fait de l'astrologie, puis moi, je le fais de ma façon. Puis quand on se rencontre une fois par mois, à peu près, on se parle de ce que lui a découvert, puis moi, ce que j'ai découvert. Puis, tu sais, juste l'affaire des pleines lunes, des nouvelles lunes, c'est un site qui m'a référé, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait, puis j'ai dit, ouais, on fait une recherche là-dessus. Puis là, je viens de me taper la pleine lune une journée d'avance, ouais, elle l'a fait son 100 points, là, que ça marche. Ça marche, tu sais. Donc, c'est ça. Mais ça, cet intérêt-là pour les planètes, lui, il a toujours eu ça. Moi, j'étais astrologue longtemps, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'en ai fait une indigestion. Puis là, j'ai commencé à m'enligner, faire d'autres choses. Là. Tandis qu'il a protégé son cerveau de toutes les milliers de personnes qui auraient pu le consulter. Vous dites, Monsieur Rousseau, j'ai un gros malaise cardiaque. Pouvez-vous me dire quelle planète qui fait ça, là? Puis lui, n'étant pas exposé à ça, il a gardé son âme pure. Non souillé par la complainte du fuck en Alaska. Quand je le revois, mais comme je suis revenu aux sources, là, dans le temps que j'avais 17-18 ans, là, puis je suis un jeune premier tout effervescent avec le désir de sauver la planète. Lui, même ça, il a réglé ça en Haïti, sauver la planète. Il a dit, je peux pas sauver Haïti, je sauverai rien. Il est revenu ici encore plus peu qu'avant. Il nous a ramené les gangs de Blood là, puis de Crisp. Ouais, les rouges, les bleus. C'est ça. C'est payant, hein, peut-être. Toute la vibration pour l'argent, fait que ça te fait aller vers tout ce qui est payant. Tout à la vibration, pourquoi, mettons? Bon, ouais, tu fais. Ça, je dis, c'est parce que c'est payant. C'est la vibration de l'argent que t'as. C'est pas la vibration de la bourse que t'as. C'est la vibration de l'argent.